Bonjour, merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens. Alors, le petit dialogue que nous avons entendu dans le précédent podcast, qui était un petit dialogue imaginaire, mais qui essaye de comprendre finalement les origines mystérieuses de cette jeune reine, dont les origines sont extrêmement modestes, mais qui est devenue une des reines les plus prestigieuses de la dynastie mérovingienne. Alors, cette reine a fait d'ailleurs l'objet de deux hagiographies, la Vita A, écrite quelques années après sa mort, alors qu'elle est morte en odeur de sainteté dans l'abbaye aux femmes de Chelles, vers 680, et la Vita B, autre hagiographie, mais écrite à l'époque carolingienne, c'est-à-dire au 8e siècle, et dont le but est de faire de cette reine une ancêtre spirituelle de la dynastie carolingienne. Donc, Berthilde meurt en 680, et elle est assez rapidement d'ailleurs canonisée, et aujourd'hui elle est connue comme étant Sainte Berthilde. Alors, son prestige ne va pas cesser d'augmenter sous la dynastie carolingienne. Les Carolingiens vont véritablement avoir un culte personnel pour cette reine, Berthilde. Et l'abbaye de Chelles, que Berthilde donc a fondée peu de temps avant de quitter la régence, vers 660, aura comme mère abbesse presque exclusivement des princesses carolingiennes. L'abbaye de Corbie, fondée toujours par Berthilde pour les hommes, recueillera aussi de nombreux princes carolingiens attirés par le lieu en raison du rayonnement de sa fondatrice. Berthilde, en effet, aura des rapports très proches. Alors, elle fondera énormément de monastères. Des monastères d'ailleurs plutôt influencés par la règle de Saint Colomban, et elle sera très proche du fameux abbé Philibert, abbé de Jumièges. Alors, mais malgré tout, on sait très très peu de choses sur elle. Il est certain qu'elle est. Alors, ce qu'on sait certainement, c'est qu'elle est d'origine saxonne, et non pas d'Allemagne, mais de Grande-Bretagne. Elle est plus âgée que le roi Clovis II, de quelques années. Ces hagiographes prétendent qu'elle aurait influencé le concile national de Chalon-sur-Saône qui s'est tenu de 650 à 653, mais c'est assez peu probable. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, elle est accaparée par les devoirs de la maternité, puisqu'elle met au monde en 652 le futur Clotaire III, en 655 le futur Childéric III et en 657 le futur Thierry III. Est-ce que l'allaitement est confié à une nourrice ou relève de la mère? Difficile à savoir, en tout cas l'allaitement dure en général 3 ans, dans l'espoir vague peut-être d'espacer les naissances. Vu les dates de naissance respectives, il semble que les reines mérovingiennes et Berthilde allaitent elles-mêmes, contrairement aux gallo-romaines. Par contre, il est notoire qu'elle ait influencé la législation à l'époque où elle était régente, puisqu'elle approuve elle-même les lois du royaume avec l'anneau sigillaire que lui a légué son mari à sa mort en 657. L'anneau sigillaire, c'est l'anneau qui permet en enfonçant l'anneau dans de la cire, qui permet donc de marquer l'approbation royale sur les parchemins qui servent à publier et éditer les lois. Alors, si elle n'a pas pu Clovis II, ça prouve en réalité que Clovis II faisait une entière confiance à sa femme. Je ne sais pas si Dagobert a donné son anneau sigillaire à sa femme Nantilde quand il est mort, mais c'est pas improbable. Alors, donc, en tout cas, même si elle n'a pas pu influencer ce concile de Chalon-sur-Saône, de 650 à 653, elle a dû se sentir quand même très concernée, puisque ce concile donc, contient des décisions comme le canon 9, défendant la vente d'esclaves chrétiens à des étrangers ou à des juifs, et le canon 16, contre la pratique simoniaque d'acheter sa charge d'évêque, de prêtre ou de diacre. Donc voilà, on n'a pas attendu Luther pour combattre la simonie. Alors, plusieurs lois du royaume sont inspirées directement par elle, à l'époque où elle est régente. Donc, l'illégalité des achats d'esclaves dans tout le Regnum Francorum, avec une période de transition pour les grands propriétaires d'esclaves qui se trouvent, que sont les Gallo-Romains et qui sont majoritaires dans le sud, notamment en Aquitaine. Libération immédiate des captifs venus de l'étranger et proposés à la vente sur le sol français. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'esclaves sur le sol franc. Et c'est une décision qui a été prise sous la reine Bathilde et qui a été actée par les autorités civiles de l'époque. Ainsi que interdiction de la vente d'enfants et non prise en compte du nombre d'enfants par foyer pour fixer le taux d'imposition. Donc on peut avoir beaucoup ou peu d'enfants, cela n'a aucune influence sur la quantité d'impôts à payer. Et ça permet d'éviter les infanticides, notamment des nourrissons. Voilà, donc on peut voir que même si on est une reine vivant dans une période barbare, on peut prendre des mesures humaines et ça peut servir de leçon pour nos hommes politiques actuels. Bon, beaucoup de ces mesures donc sont adoptées dans les conciles nationaux et provinciaux. Alors il faut savoir aussi que, en effet, quand on voit les conciles de l'époque, les mesures sont assez semblables. Est-ce que c'est la reine Bathilde qui essaye d'appliquer dans son royaume les décisions qui sont prises par les conciles? C'est très probable. Disons que les décisions prises par les conciles font un peu l'effet de traités internationaux, avec une mise en œuvre en général directe par l'Église, qui est à ce moment-là est très puissante et nous savons est un quasi-État. Mais évidemment, ce sont des textes qui s'adressent en réalité à toutes les autorités, qu'elles soient civiles, qu'elles soient religieuses, pour qu'elles les appliquent ou pour qu'elles soient influencées afin de prendre des décisions qui puissent aller dans le sens du bien commun. Alors, en tout cas, on sait que pour que ces mesures soient adoptées par les autorités civiles, dans tout le Regnum Francorum et à tous les niveaux, à tous les échelons du pouvoir, il faut une forte autorité morale et politique au sommet. Et cette forte autorité morale et politique au sommet était incarnée par la reine Berthilde. Donc, son nom apparaît encore officiellement dans les textes jusqu'en 664. Et enfin, elle disparaît probablement parce qu'elle décide à ce moment-là de rejoindre l'abbaye de Chelles sur les bords de la Marne. Merci et à bientôt pour le prochain podcast.